maintenant vous entendrez ça. Et bah cette fois j'ai eu un 12, mais un vrai 12 hein, 8 plus 4, je suis hyper contente. Acadomia accompagne les élèves du CP à la terminale pour leur redonner le goût d'apprendre et le plaisir de réussir. Résultat, plus 4 points de progression en moyenne. Renseignez-vous sur acadomia.fr. Acadomia, le plaisir de réussir. Étude Consumer Live, juin 2024. Chez Direct Assurance, économisez en moyenne 310 euros sur vos assurances auto et habitation. Direct Assurance, bien assuré, direct réglé. Phare de France. Retrouvez les plus belles lumières de nos côtes chez votre marchand de journaux. Numéro 1, le phare de Dom. C'est pas parce que c'est direct réglé qu'on doit direct changer de pub. Intermédiaire d'assurance immatriculé à Lorias. Économie moyenne de 250 euros sur la formule auto de risque Ipsos 2022 et 60 euros sur l'assurance habitation Ipsos 2023. Conditions sur direct-assurance.fr. Chez Optical Center, renouvelez vos lunettes tous les ans sans aucun reste à charge. On a tous une bonne raison de ne pas changer de lunettes, que ce soit parce qu'on ne trouve pas de rendez-vous, qu'on voit encore bien avec les anciennes ou parce que c'est trop cher. Pourtant, si votre correction a changé, vous pouvez renouveler vos lunettes chaque année sans aucun reste à charge chez Optical Center. Bénéficiez sans attendre d'un examen de la vue 100% pris en charge et choisissez vos nouvelles lunettes. Optical Center, voir le beau, entendre le bien. Optical Center. Dispositif médical, conditions en magasin, valable jusqu'au 31 décembre. Vous n'êtes pas encore totalement prêt pour le 100% électrique? Découvrez Kia Sportage Hybride, le SUV iconique aux technologies avancées. Et jusqu'au 31 mars, profitez-en immédiatement à partir de 387 euros par mois sans apport. Kia Sportage Active Hybride, deux roues motrices hors option. LLD 49 mois, 40 000 km. 49 loyers de 387 euros TTC, hors assurance et prestations facultatives. Offre aux particuliers si accord Kia Finance. Garantie 7 ans. Conditions sur Kia.fr. Pensez à covoiturer. Kia. Du mouvement via l'inspiration. La vie claire. Les petits prix bio La vie claire, ça vaut vraiment le goût. Car les petits prix bio, ce sont près de 200 produits du quotidien à prix bloqué pendant un an, dont 100 produits à moins de 3 euros. Alors, la bio accessible, ça vaut le goût ou pas? La vie claire. La bio clairement engagée. Voir conditions sur lavieclaire.com. Pour votre santé, bougez plus. Je suis beau, je suis grand, je suis fort, je récupère mon énergie en seulement 28 minutes, je suis Papy Michel qui fait la sieste le dimanche. Eh non Martine, je suis le nouveau Skoda Elroq et sa recharge rapide de 10 à 80% en 28 minutes. Nouveau Skoda Elroq 100% électrique, à découvrir dès maintenant en concession à partir de 299 euros par mois. LLD 37 mois pour un Elroq 50 jusqu'au 31 mars. Apport de 0 euros après bonus écologique jusqu'à 4000 euros déduits selon conditions d'éligibilité. Si accord par Volkswagen Bank, conditions sur Skoda.fr. Skoda. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo. Dans moins d'une minute, retour du son hip-hop R&B. Cuisine à Viva. En mars, concrétisez votre projet cuisine avec une offre irrésistible. Cuisine à Viva vous offre jusqu'à 6 électros pour l'achat de votre cuisine. Vous avez bien entendu, 6. Four, frigo, lave-vaisselle, plaque de cuisson, hotte, micro-ondes. Pour une cuisine parfaitement équipée, sans rien dépenser de plus. Ah, cuisine à Viva. Conditions sur cuisine-aviva.com. Grand frais. Oui, c'est le chef de chantier. Je devais terminer la construction du viaduc aujourd'hui, mais je peux pas. J'ai grand frais. Ils ont des bananes à petit prix. Comment louper ça? Après, toutes les pièces sont sur place. Vous avez déjà monté un meuble en kit? Bah, c'est pas plus compliqué, voilà. Grand frais, c'est 300 fruits et légumes ultra frais disponibles chaque jour. Et jusqu'à samedi, les bananes sont à 99 centimes le kilo. Régalez-vous, faites vos courses. Grand frais! Le meilleur marché. Origine selon arrivage précisé sur le lieu de vente. Hip-hop R&B Radio. You're looking just a little too hard at me. C'est toujours Mist qui vous accompagne dans votre hip-hop R&B radio. J'ai vu que l'acteur Shemar Moore a lancé un appel à Netflix pour sauver la série SWAT. Bon, moi c'est pas une série que je regarde particulièrement, mais quand je tombe dessus, je vous cache pas, je la regarde. Pour rappel, c'est la troisième fois que la série se fait annuler. Tout de suite, on se met bien avec Kelpie et son morceau One More Night sur Ado. You got me caught right from beginning. Bounce that booty down, wicked dim. Why you always can't dance for the beat? In the middle of the night, I go put in the heat. Whoa, whoa, baby, summa baby. 10 liters, I go put on in it. I'm always time, they go make quick and big, big. Show my better for me. How about we do this one more night? And that's the reason I can get you up my head. How about we do this one more night? Show my better. My bed. How about we do this one more night? Show my bed for me. Big skanking, one timing. Quite frankly, make me count my blessings. I like it when you write it. Say something when you come beside me. Oh damn, we drunk. Sip a little thing while you bust some wine. Girl, I like your figure. You are bending me like your skin tone. Baby girl, you got me cut right from beginning. Bounce that booty down, bigger dim. Why you always can't dance for the beat? In the middle of the night, I go put in the heat. Whoa, whoa, baby, so my baby. 10 liters, I go put on in it. I'm always time, they go make quick and big, big. Show my bed for me. How about we do this one more night? And that's the reason I can get you up my head. How about we do this one more night? Show my bed for me. How about we do this one more night? And that's the reason I can get you off my bed. How about we do this one more night? Show my bed for me. Whoa. Beginning. Why you always can't dance for the beat? In the middle of the night, I go put in the heat. Whoa, whoa. Ado, Collector, Hip Hop Radio. You know, a lot of girls be thinking my songs are about them, but this is not to get confused. This one's for you. Baby, you my everything. You all I ever wanted. We could do it real big. Bigger than you ever done it. You be up on everything. Other hoes ain't never on it. I want this forever. I swear I could spend whatever on it. Cause she hold me down every time I hit up. When I get right, I promise that we gon' live it up. She made me beg for it till she give it up. And I say the same thing every single time. I say you the fucking best. You the fucking best. You the fucking best. You the fucking best. You the best I ever had. Best I ever had. Best I ever had. Best I ever had. I say you the fucking. No, you got a roommate. Call me when there's no one there. Put the key under the mat and you know I'll be over there. I be over there, shout it, I be over there. I be hitting all the spots that you ain't even know is there. And y'all don't even have to ask twice. You can have my heart or we can share it like the last slice. Always felt like you were so accustomed to the fast life. Have a nigga thinking that he met you in a past life. Sweatpants, hair tied, chilling with no makeup on. That's when you're the prettiest, I hope that y'all don't take it wrong. Y'all don't even trip when friends say you ain't bringing Drake along. You know that I'm working, I be there soon as I make it home. Is she a patient in my waiting room? Never pay attention to the rumors and what they assume. And until them girls prove it, I'm the one that never get confused with. Cause baby, you my everything. You all I ever wanted. We could do it real big. Bigger than you ever done it. You be up on everything. Other hoes ain't never on it. I want this forever. I swear I could spend whatever on it. Cause she hold me down every time I hit up. When I get right, I promise that we gon' live it up. She made me beg for it till she give it up. And I say the same thing every single time. I say you the fucking best. You the fucking best. You the fucking best. You the fucking best. You the best I ever had. Best I ever had. Best I ever had. Best I ever had. I say you the fucking best. Sex, love, pain, baby, I be on that tank shit. Buzz so big, I could probably sell a blank this. When my album drop, bitches will buy for the picture. And niggas will buy two and claim they got it for they sister. Magazine, paper, girl, but money ain't the issue. They bring dinner to my room and ask me to initiate. She call me the referee cause I be so official. My shirt ain't got no stripes, but I can make your pussy whistle. Like the Andy Griffith theme song. And who told you to put them jeans on? Double cup love, you the one I lean on. Feeling for a fix, then you should really get your fiend on. Yeah, just know my condo is the crack spot. Every single show she out there repping like a mascot. Get it from the back and make your fucking bra strap pop. All up in your slot till the nigga hit the baby, jackpot. You, my everything, you all I ever wanted. We could do it real big, bigger than you ever done it. You be up on everything, other hoes ain't never on it. I want this forever, I swear I could spend whatever on it. Cause she hold me down every time I hit up. When I get right, I promise that we gon' live it up. She made me beg for it till she give it up. And I say the same thing every single time. I say you the fucking best, you the fucking best, you the fucking best, you the fucking best. You the best I ever had, best I ever had, best I ever had, best I ever had. I say you the fucking best, you the fucking best, you the fucking best, you the fucking best. You the best I ever had, best I ever had, best I ever had, best I ever had. Oh yeah. See, this is the type of joint you gotta dedicate to somebody. Let's make sure they that special somebody. Young Money. Les futurs collecteurs, hip-hop R&B, c'est sur Ado. Yeah. Il veut qu'on se capte, je parle chinois, je fais la diva, je suis une galère, faut que je le rappelle. J'ai eu au téléphone, il m'a dit t'as l'habitude de bomber avec les hommes, t'as l'habitude. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Peut-être qu'il a raison. Si j'étais pas têtu, on serait mariés depuis des saisons. Des fois j'abuse, trop de caprices. Il a dit j'abuse, deviens plus mature. Il veut la maison, il veut les enfants, il me parle en chimie, chimie. Il veut la maison, il veut les enfants, il me parle en chimie, chimie. Parle en chimie, chimie. Il veut la maison, il veut les enfants, il me parle en chimie, chimie. Il veut la maison, il veut les enfants, il me parle en chimie, chimie. Tu me parles de quoi? Cette ville-là, tu la connais pas. J'aime pas quand tu parles beaucoup, je préfère quand t'es dans l'action. Il m'a tombé, target les finitions. Souvent, monsieur, même moi, j'ai du regard. Normal, mon body, c'est de là. Mon body, c'est de là. Je suis têtu, il aime ça. Tu veux qu'on bouge, c'est la galère à Paname. Appelle-moi ce soir, je suis off. Peut-être qu'on se captera au plaza. Est-ce que t'as vu mon vrai visage? Me mélange pas avec toutes ces ficelles. Elle m'envie, ça fait un bad time. Elles sont fat de moi, ça fait un bad time. Me mélange pas. Il veut la maison, il veut les enfants, il me parle en chimie, chimie. Il veut la maison, il veut les enfants, il me parle en chimie, chimie. Parle en chimie, chimie. Il veut la maison, il veut les enfants, il me parle en chimie, chimie. Il veut la maison, il veut les enfants, il me parle en chimie, chimie. C'est sur Ado que tu te trouves et c'est toujours avec Myst que vous êtes. Je suis la voix qui vous accompagne dès 15h avec le meilleur du son. Ado, bouge pas, dans moins d'une minute, on sera de retour avec ce classique de Lauryn Hill featuring Santana. Et on sera de retour avec tout Zion. A tout de suite sur Ado. Tous les titres de légende du hip-hop R&B sont réunis chez nous. Ado. Leclerc, bonjour. Bonjour, merci pour votre promo sur les spaghettoni Barilla. Alors voici mon astuce pour les doser. Oui, dites-nous. Eh bien, c'est simple, une poignée par personne, et ensuite, on ajoute le reste du paquet. Super astuce! À tester avec le paquet de 500 grammes de spaghettoni Albronzo Barilla à -34%, soit 1,28€ du 11 au 22 mars pendant les super pouvoirs d'achat. Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Soit 2,56€ le kilo, modalité magasin et drive participant sur www.e.leclerc. Pour votre santé, bougez plus. Ado. Hip-hop R&B Radio. Unsure what the balance held, I touched my belly, overwhelmed by what I had been chosen to perform. But then an angel came one day, told me to kneel down and pray, for unto me a man child would be born. Oh, this crazy circumstance, I knew his life deserved a chance, but everybody told me to be smart. Look at your career, they said, Lauren, baby, use your head. But instead I chose to use my heart. Now the joy of my world is in Zion. Nothing more than to wait at Zion's door. I've never been in love like this before. Now let me pray to keep you from the perils that will surely come. See, life for you, my prince, has just begun. And I thank you for choosing me to come through unto life to be a beautiful. See, I know that a gift so great is only one God could create. And I'm reminded every time I see your face that the joy of my world is in Zion. Now the joy of my world is in Zion. De ton instant funk, c'est le moment où on va chercher un classique de funk avec lequel tu as grandi, avec lequel tu t'es ambiancé. Et là, le morceau qui a été sélectionné, c'est The BBB et une Cube Band, et c'est leur morceau On The Beat sur Ado. Allez, let's go. Mmh. everything special. C'est toujours sur ta Hip Hop R&B Radio que tu te trouves. Aujourd'hui, il fête ses 40 ans. Son projet est l'un des plus vendus de l'histoire de la musique française et il est originaire de la Belgique. On va souhaiter un joyeux anniversaire à monsieur... Alors, on danse. Stromae, qui fête ses 40 ans aujourd'hui. Vous êtes toujours là où il faut être sur Ado. Et là, on va se mettre bien tout de suite avec Kendrick Lamar et son morceau Not Like Us dans ta Hip Hop R&B Radio. Pow! Monster Hunter, beat ho, Debo, any rap nigga, he a freak, though. Man down, call like Ember Lambs, tell him breathe, bro. Nell a nigga to the cross, he walk around like Tizo. What's up with these jabroni ass niggas trying to see Compton? The industry can hate me, fuck them all in the mama. How many ops you really got? I mean, it's too many options. I'm finna pass on this body, I'm John Stockton. Beat your ass and hide the Bible if God watching. Sometimes you gotta pop out and show niggas. Certified boogeyman, I'm the one that up to score with him. Walk him down whole time, I know he got some hoe in him. Pole on him, extort shit, bully the flow on him. Say Drake, I hear you like I'm young. You better not ever go to cell block one. To any bitch that talk to him and they in love, just make sure you hide your little sister from him. Wop, wop, wop, wop, wop, that fuck him up. Wop, wop, wop. I'ma do my stuff. Why you trolling like a bitch? Ain't you tired? Tryna strike a chord and it's probably A minor. They not like us. They not like us. They not like us. They not like us. They not like us. They not like us. You think the Bay gon' let you disrespect Pop, nigga? I think that Oakland show gon' be your last stop, nigga. They cold foul, I don't know why you still pretending. What is the owl? Bird niggas and bird bitches, go. The audience not dumb, shape the stories how you want. Hey, Drake, they're not slow. Rabbit hole is still deep, I can go further, I promise. Ain't there something? B-Rest, that's for bitchin'. You Malibu most wanted. Ain't no law boy, you ball boy. Fetch Gatorade or something. Since 2009, I had this bitch jumping. You niggas will get a wedgie, be flipped over your boxes. Well, over your foe, the other vaginal arena. And your homeboy needs subpoena. That predator moving flocks. That name gotta be registered and placed on neighborhood watch. I lean on you niggas like another line of walk. Yeah, it's all eyes on me and I'ma send it up the pot. Ay, put the wrong label on me, I'ma get them dropped. Ay, sweet chin music and I won't pass the ox. Ay, how many stocks do I really have in stock? Ay, 1, 2, 3, 4, 5 plus 5. Ay, devil is a lie, he a 69 god. Ay, freaky ass niggas need to stay their ass inside. Ay, roll their ass up like a fresh pack of Zod. Ay, city is back up, it's a must, we outside. Ay. They not like us, they not like us, they not like us. They not like us, they not like us, they not like us.

Auchan, le choix, le bon. Variété Crips Pink, catégorie 1, calibre 170-200 grammes, valable dans vos magasins Auchan participants. Oh là, j'en peux plus de ces bouchons là. Ah ouais, c'est marrant ça, moi je trouve ça très bien moi ça. Comment ça tu trouves ça très bien? Ben pense un peu aux autres fistons qui aient le temps d'admirer ma nouvelle Aygo Cross avec son toit ouvrant et ses jantes 18 pouces. Eh oui. Venez découvrir la Toyota Aygo Cross, disponible à partir de 119 euros par mois, entretien inclus. Portes ouvertes ce week-end. Oh, j'avance, oh là là. Toyota Aygo Cross Dynamic LLD, 37 mois, 30 000 km. Premier loyer, 3 990 euros, réservé aux particuliers dans le réseau participant pour toute commande jusqu'au 24 mars. Détails sur toyota.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo. Chez Optical Center, renouvelez vos lunettes tous les ans sans aucun reste à charge. On a tous une bonne raison de ne pas changer de lunettes. Que ce soit parce qu'on ne trouve pas de rendez-vous, qu'on voit encore bien avec les anciennes ou parce que c'est trop cher. Pourtant, si votre correction a changé, vous pouvez renouveler vos lunettes chaque année sans aucun reste à charge chez Optical Center. Bénéficiez sans attendre d'un examen de la vue 100% pris en charge et choisissez vos nouvelles lunettes. Optical Center, voir le beau, entendre le bien. Optical Center. Dispositif médical, conditions en magasin, valable jusqu'au 31 décembre. Quand on veut, on peut. Vous conviendrez que ce n'est pas toujours vrai, sinon le pouvoir d'achat s'appellerait le vouloir d'achat, non ? Chez Nissan, pendant les jours Power d'achat, quand on veut rouler en hybride, on peut. Le Nissan Qashqai e-Power, l'hybride réinventé, est à partir de 199 euros par mois seulement, sans condition. Mais pour profiter de ce prix exceptionnel, il faut le commander en mars. Alors quand on veut, on peut, mais on doit faire vite. Nissan. Qashqai e-Power 2024 Asenta avec option 9, LLD premier loyer 5500 euros, puis 36 loyers de 199 euros si accordiac. Détail Nissan.fr. Pensez à covoiturer. Tu veux faire quoi toi pour les vacances? Moi je nous imagine déjà la plongée sous-marine, les dîners dans le désert. Alors ouais, mais on peut aussi juste les arder au soleil. Avec 120 destinations, on n'allait pas en plus vous dire où partir. Transavia, les destinations qui vous sont chères, moins chères. Ourgada, au départ de la France métropolitaine, des 153 euros. Voir conditions sur transavia.com. Chez Biocoop, on dit oui au vrac. Oui à la diversité des produits. Oui au choix des quantités. Oui au prix tout doux, au bien manger, oui au bien vivre. Et donc non aux emballages et dépenses superflues. Chez Biocoop, on vous propose plus de 600 produits bio en vrac. De la lessive au muesli, du dentifrice au biscuit, vous ne consommez que ce qu'il vous faut. Vous êtes gagnant. Et la planète aussi. Et du 6 au 24 mars inclus, profitez de moins 15% sur le vrac. Biocoop, objectif zéro déchet. Opération valable dans les magasins Biocoop participants. Hors rayon traditionnel, fruits et légumes et contenants réutilisables. Conditions sur biocoop.fr. Pour votre santé, bougez plus. Pour vos fenêtres, portes, volets et pergolas, faites confiance à Triba, élu meilleur enseigne de menuiserie française pour la 6e année consécutive. Rendez-vous dans l'un des 300 espaces conseils Triba ou sur triba.com. Triba, bienvenue dans l'habitat de demain. Envie de changement derrière les fourneaux? Cuisirama s'invite chez Conforama pour vous mijoter une cuisine de pro. Au menu, jusqu'à moins 40% sur les cuisines sur mesure. Conception et devis gratuits, servis sur un plateau. Ça donne envie. Conforama, jusqu'au 31 mars, voir conditions sur conforama.fr. Leclerc, bonjour. Oui, bonjour. Je lis la définition de déguster, savourer lentement un aliment. Vous confirmez? Oui. Ah bah alors là, il y a un problème avec vos oranges à déguster. Elles sont si bonnes que je les ai dévorées en 2 secondes. Reprenez-en vite chez Leclerc. Du 11 au 15 mars, le filet de 2 kg d'oranges à déguster panier du primeur est à 2,19€. Chez Leclerc, le goût du frais, ça se défend tous les jours. Soit 1,10€ le kilo, traitement après récolte, variété lanolate, catégorie 1, calibre 5-6, origine Espagne. Modalité magasin et drive participant sur www.e.leclerc. Inspirez. Expirez. Ressentez l'énergie, les énergies. Deux possibilités, un choix. Détendez-vous. Chez Ford, l'électrique est aussi accessible que l'hybride. En ce moment, profitez de nos offres 100% détendues sur le nouveau Ford Puma hybride ou 100% électrique. Eh ben voilà. Ford. Portes ouvertes ce week-end, ouverture selon autorisation. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo. Si vous aimez la qualité, essayez-la à prix discount. Ben oui, chez Aldi, nos tomates rondes en grappe ont tout d'une très bonne tomate. Parfaite pour faire une sauce et parfois accompagnée par Miss Je Sais Tout qui vous glisse. Non, pour les peler, 30 secondes dans l'eau bouillante et puis dans l'eau glacée. Ça c'est... Oui vraiment, nos tomates ont tout d'une très bonne tomate, mais à prix discount. 1,79€ seulement le kilo. Oui, 1,79€. Aldi, la meilleure qualité, à prix discount. En ce moment chez Aldi, origine Espagne, offre valable jusqu'au samedi 15 mars, info sur aldi.fr. Dans moins d'une minute, retour du son hip-hop R&B. Bonjour, bienvenue chez Écoutez Voir. Bonjour, stylé ces lunettes, vous les avez en rouge? Oui, mais pas que. En bleu aussi? Oui, mais pas que. Comment ça? Vous allez faire des économies aussi. En ce moment, chez Écoutez Voir, vous avez jusqu'à 60 euros offerts sur vos prochaines lunettes. Et surtout, votre achat contribue à l'économie sociale et solidaire. Oh, vraiment stylé, quoi. Écoutez Voir. Optique et audition. Mutualiste. Dispositif médical. Demandez conseil à votre opticien. Point de vente soumis au code de la mutualité. Valable jusqu'au 30 avril 2025. Conditions sur écoutezvoir.fr. Grand frais. Oui, c'est le chef de chantier. Je devais terminer la construction du viaduc aujourd'hui, mais je peux pas. J'ai grand frais. Ils ont des bananes à petit prix. Comment louper ça? Après, toutes les pièces sont sur place. Vous avez déjà monté un meuble en kit? Bah, c'est pas plus compliqué, voilà. Grand frais, c'est 300 fruits et légumes ultra frais disponibles chaque jour. Et jusqu'à samedi, les bananes sont à 99 centimes le kilo. Régalez-vous, faites vos courses. Grand frais! Le meilleur marché. Origine selon arrivage précisé sur le lieu de vente. Hip-hop R&B Radio. I saw you dancing in a crowded room. You look so happy when I'm not with you. But then you saw me, caught you by surprise. A single teardrop falling from your eyes. On va continuer à se mettre bien ici dans ta hip-hop R&B radio. J'ai vu que l'artiste Doechii est élu femme de l'année 2025 par le magazine Billboard. Tout de suite, on se met bien avec ce classique de 50 Cent et on s'écoute Disco Inferno sur Ado. She shake that ass, go, go, go, 50 in the house, bounce,

Chez Maxizo, votre fidélité est récompensée. Du 12 au 15 mars, avec notre programme de fidélité Friends, bénéficiez de 10% de remise sur tous vos achats, en ligne, en magasin et sur l'appli. Alors inscrivez-vous à Maxizo Friends et profitez de nombreux avantages. Maxizo, tout pour vos animaux. Offre réservée aux membres du programme de fidélité Maxizo Friends, non cumulable avec toute autre promotion. Friends veut dire ami. Conditions sur maxizo.fr. S comme S-Line, mais aussi comme surclassement. Jusqu'au 31 mars, l'iconique finition Audi S-Line, avec son style affirmé et son ambiance sportive, est offerte sur une large sélection de modèles. Votre prochaine Audi S-Line n'attend que vous. Finition S-Line offerte sous forme d'avantage client pour toute souscription d'une offre en LLD dans le réseau participant, si acceptation par Volkswagen Bank. Voir modèle éligible et conditions sur Audi.fr. Retrouvez vos partenaires Audi en Ile-de-France sur Audi.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun. Chez Orange Pro, on sait que quand on devient pro, on n'a pas encore toutes les astuces d'un pro. Alors, une bonne astuce, c'est de pouvoir compter sur une bonne connexion fibre. Mais sans mettre les comptes dans le rouge. C'est pour ça qu'on vous propose 30% de remise sur l'offre Open Pro Fibre avec Internet fixe et mobile lors de la création de votre entreprise. Entre pros, on se comprend. Orange est là. Réservé aux professionnels en métropole, engagement 24 mois. Moins 30% pendant un an sur l'abonnement pour les créateurs d'entreprises de moins de 24 mois. Conditions et détails sur orangepro.fr. Bonjour, bienvenue chez Écoutez Voir. Bonjour, stylé ces lunettes, vous les avez en rouge? Oui, mais pas que. En bleu aussi? Oui, mais pas que. Comment ça? Vous allez faire des économies aussi. En ce moment, chez Écoutez Voir, vous avez jusqu'à 60 euros offerts sur vos prochaines lunettes. Et surtout, votre achat contribue à l'économie sociale et solidaire. Oh, vraiment stylé, quoi. Écoutez Voir, optique et audition. Mutualiste. Dispositif médical, demandez conseil à votre opticien. Point de vente soumis au code de la mutualité. Valable jusqu'au 30 avril 2025. Conditions sur écoutezvoir.fr. Chez Action, vous trouverez des petits prix pour un grand printemps. Avec par exemple un sécateur Garden Touch pour seulement 2,49€. Ou un pulvérisateur à pression Garden Touch pour seulement 7,95€. Quel que soit l'article que vous recherchez pour votre jardin ou votre balcon, il se trouve dans un magasin ou sur l'appli Action. Action, petit prix, grand sourire. Chez GMF, être assurément humain, c'est s'engager dans des relations durables. GMF vous offre jusqu'à 150€ de réduction pour toute nouvelle souscription de contrat d'assurance auto, moto et habitation. Et c'est jusqu'au 31 mars. GMF, assurément humain. Conditions de l'offre sur gmf.fr. Pour vos fenêtres, portes, volets et pergolas, faites confiance à Triba, élu meilleur enseigne de menuiserie française pour la 6e année consécutive. Rendez-vous dans l'un des 300 espaces conseils Triba ou sur triba.com. Triba, bienvenue dans l'habitat de demain. Lidl, réélu encore et encore, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie supermarché. Allô patron, pour la pâte feuilletée, Lidl dit oui. C'est les riz qui brillent. Les petits prix, oui patron. La pâte feuilletée de 230 grammes est à 56 centimes. Seulement 56 centimes? C'est un choupi prix. Ah mais non patron, c'est les petits prix, oui. Et toi tu es très mal, ouais. Les petits prix, oui Lidl, une chose est sûre, vous allez retenir leurs prix. Ce sont plus de 400 produits au prix les plus bas du marché. 2,43€ le kilo, transformé en France. Plus d'informations sur lidl-et-moins-cher.fr. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés. Oh, il est trop bon ton mafé tata, mais c'est quoi ton secret? Tout est dans la pâte d'arachide. Moi, je prends toujours la Dakatine. Mais la Dakatine, c'est la meilleure. Ta mère en met aussi dans tes cookies préférés. Mais oui, mais j'ai entendu ce nom à la radio dans un rap. Hein? Et dans une recette de rougail sur les réseaux, ça commence à donner envie. Eh oui, Dakatine, c'est aussi bon sur les tartines qu'en cuisine. Et dans les punchlines apparemment, sinon. Dakatine, mille merci pour ce nouveau ramadan passé ensemble. Pensez à recycler vos emballages. Pour votre santé, bougez plus. Dans moins d'une minute, retour du son hip-hop R&B. Si vous aimez la qualité, essayez-la à prix discount. Ben oui, chez Aldi, nos fruits et légumes ont tout de très bons fruits et légumes. Si beaux, si bons dans votre assiette, ils vous feront dire « Ah là, je vais les aimer les légumes verts !» Oui vraiment, ils sont très bons, mais à prix discount, puisque nos clients les payent 23% moins cher que la moyenne du marché. Eh ouais. Aldi, la meilleure qualité, à prix discount. Source Kantar, prix moyen payé au kilo de fruits et légumes chez Aldi versus prix moyen payé au kilo sur le marché, cumule 12 semaines au 29 décembre 2024. Et si vous cédiez enfin à la tentation? Chez Roche-Beaubois, ce sont les jours tentation. L'occasion de découvrir la créativité des nouvelles collections et de profiter de prix très séduisants sur une sélection de meubles et de canapés Roche-Beaubois. Mais ne perdez pas de temps, les prix tentation, c'est jusqu'au 24 mars seulement. Liste des magasins ouverts ce dimanche sur rochebeaubois.com. Hip-hop R&B Radio. I never maximum. Ok, bébé, j'avoue, je suis dans l'excès. Pour des petits trajets, je sors le féfé. Je préfère mieux ça que l'audit été. Donc, Spider pour cet été. Je suis toujours cloué chez Cartier. Sac Kelly pour les choquer. Ce soir, t'es mon trophée. On y va. Concert complet à Düsseldorf, gonflé à bloc comme Usain Bolt. Je suis dans le radio, je traverse l'époque. Je fais du shopping sur un jour off. Le jet atterrit à Lausanne. Je suis vêtu comme Lausanne. Les lunettes par quand je les vois. Et mystérieux comme Oda. Ok, bébé, j'avoue, je suis dans l'excès. Pour des petits trajets, sur le féfé. Je préfère mieux ça que l'audit tété. Donc, Spider pour cet été. Je suis toujours cloué chez Cartier. Sac Kelly pour les choquer. Ce soir, t'es mon trophée. Ah, t'es ma vie. Ah, high and ah. Je n'ai vu que toi, baby. On y va. En Rolex, posé à la cheville en business class. Showcase Dubaï, beauté, casac, plein de cash. Ils sont choqués, million dollars. Ça me choque pas, je suis full human. Ici, dans le voile, que j'ai flamme. Moi, je pose des milliers à élever, banane. Y'a galvé, y'a galvé. Y'a l'amour et y'a la money. Y'a galvé, y'a galvé. Marhaba fi alam. Ok, bébé, j'avoue, je suis dans l'excès. Pour des petits trajets, sur le féfé. Je préfère mieux ça que l'audit été. Donc, Spider pour cet été, je suis toujours cloué chez Cartier. Sac Kelly pour les choquer, ce soir t'es mon trophée. Ah, t'es ma vie, ah, high and deep, ah. Je n'ai vu que toi, baby. On y va. Excès d'amour, je crois que je vais passer. Elle va chambouler leur inter, chambouler leur inter, chambouler leur inter. Oh, la vie pas la cité. Elle va chambouler leur inter, chambouler leur inter, oh, chambouler leur inter. C'est toujours sur Ado que tu te trouves. J'ai vu que Franglish annonce la sortie de son nouveau projet Aura, prévu pour le 11 avril. Vous êtes là où il faut être sur Ado. Et là, on va se mettre bien avec Young Money, Lloyd. Et on s'écoute Bedrock sur Ado. I can make your bed rock, girl. I can make your bed rock. I can make your bed rock. She got that good, good. She Michael Jackson bad. I'm attracted to her for her attractive ass. And now we murderers because we kill time. I knock her lights out and she still shine. I hate to see her go, but I love to watch her leave. But I keep her running back and forth. Soccer team, cold as a winter's day, hot as a summer's eve. Young money thieves, steal your love and leave. I like the way you walking if you walking my way. I'm that Red Bull, now let's fly away. Let's buy a place with all kind of space. I let you be the judge, and I'm the case. I'm gutter, gutter, I put her under. I see me with her, no Stevie Wonder. She don't even wonder. Cause she knows she bad, and I got a nigga grocery bag. Ooh, baby, I be stuck to you like glue, baby. Wanna spend it all on you, baby. My room is the G-spot, call me Mr. Flintstone. I can make your bed rock, I can make your bed rock. Let me think, I guess it's my turn. Maybe it's time to put this pussy on your sideburns. He say I'm bad, he probably right. He pressing me like button downs on a Friday night. I'm so pretty like, be on my pedal bike. Be on my low starch, be on my egg whites. He say, Nikki, don't stop, you the bestest. And I just be coming off the top, asbestos. I love your sushi roll. hotter than wasabi. I race for your love, shake and bake, Ricky Bobby. I'm at the W, but I can't meet you in the lobby. Girl, I gotta watch my bag, cause I'm not just anybody. I seen him stand in line just to get beside her. I let her see the Aston and let the rest surprise her. That's when we disappeared, you need GPS to find her. Oh, that was your girl, I thought I recognized her. Ooh, baby, I be stuck to you like glue, baby. Wanna spend it all on you, baby. My room is the G-spot, call me Mr. Flintstone. I can make your bed right. Friends. She said I'm caged in. I think her conscience is. She watching that Oxygen. I'm watching ESPN. But when that show ends, she all on my skin. Lotion, slow emotions, roller coaster, like back, forth, hold it. She posed like it's for posters, and I poke like I'm supposed to. Take this photo if you for me. She said, don't you ever show this. I'm too loyal and too focused to be losing and be hopeless. When I spoke this, she rejoiced it. Said your words give me open, so I closed it. Where your clothes is, I'm only loving for the moment. She ain't got a man, but she's not alone. Miss Independent, yeah, she got her own. Hey, gorgeous, flawless. Well, that's what you are, how I see it is how I call it. Yeah, look at how she walk, she know she bad. Do your thing, baby, I ain't even mad. And I ain't leaving fast. I'ma stay a while. Hold your head, Chris. I'ma take a jam. Ooh, baby, I be stuck to you like glue, baby. Wanna spend it all on you, baby. My room is the G-spot. Call me Mr. Flintstone. I can make your bed rock. I can make your bed rock. Ooh, I can make your bed rock, girl. I can make your bed rock. Vous écoutez Bruno Mars et Sexy Red avec Fat Juicy and Wet sur Ado. I don't even gangbang, pussy so good, made me throw up a set. That good kitty, kitty, making my pet. Pretty pussy, top of pussy, you ain't never gonna forget. Fat, juicy, and wet. Pussy like weed, pussy like dope, pussy like cocaine, put it up your nose. Vibe on my clit, suck on my toes, 24 karat pussy drip like gold. Got my legs back, eat my booty from the front, milk mustache on your face when I go. Juicy and wet, juicy and wet. I don't even gangbang, pussy so good, make me throw up a set. Throw it up, throw it up. That good kitty, kitty, making my pet. Sexy. Pretty pussy, top of pussy, you ain't never gonna forget. You ain't never gonna forget. Fat, juicy and wet. Wet. Bust down middle part, badass bitch. You ain't never had pool 90 like this. Titties on your forehead, titties on your chin. Titties on titties with my big titty friends. Sexy, do it, sexy, do it. Arch your back, put your ass into it. Squirt in your mouth, squirt on your bed. Coochie water autograph, sign sexy red. All right, all right. Ooh, ooh, slide in and I slide in and I slide. All right, all right. I'ma throw it back, let me give you that. Fat, juicy and wet. Fat, juicy and wet. I don't even gangbang, pussy so good, make me throw up a set. Throw it up, throw it up. That good kitty, kitty, making my pet. Pretty pussy, top of pussy, you ain't never gonna forget. You ain't never gonna forget. Fat, juicy and wet. Wet. Do it sexy, do it sexy, do it. Do it sexy, do it sexy, do it. You better arch your back, put your ass into it. Do it sexy, do it sexy, do it. Do it sexy, do it sexy, do it. Do it sexy.

myself. This is Ado. Ado Radio. Ado. Hip Hop R&B Radio à la demande générale. Avec DJ Mist sur Ado. Make some noise! Écoutez à la demande générale avec DJ Mist sur Ado. Yeah, yeah, yeah, vous êtes bien dans la demande générale avec moi-même DJ Mist et la légende. Mais quand je dis la légende, moi-même j'ai honte aujourd'hui dans les studios. J'ai une légende, le rappeur préféré de ton rappeur préféré, un artiste avec lequel que j'ai grandi depuis le temps que j'attendais ce jour. Quand j'ai commencé à faire de la radio, à arriver chez Ado, j'ai dit quand est-ce qu'on va le recevoir. Ça a mis du temps et aujourd'hui il est là pour son troisième EP de sa trilogie Balade en Astral. Il m'avait repris tout à l'heure. Vous avez reconnu cette douce voix, c'est l'homme qu'elle nomme Claude MC Solar. Comment ça va? Ça va. Ben, on est deux légendes. Non, toi t'es vraiment une vraie légende. Moi j'avais encore une couche culotte que je te voyais sur Rapline. Donc tu as traversé les temps. Donc aujourd'hui tu es là pour ton nouvel EP. Ouais. Sept titres, trois featuring. Ouais. Donc il y a Benjamin Epps, Joker et Légende Industrie avec donc, Chrono. Ouais. Donc déjà quand je vois le EP, je vois les featuring. Donc Benjamin Epps, vous n'êtes pas à votre première collaboration. Non, vous avez déjà participé sur le projet Benjamin Epps. Collaboré sur son album. Mais c'est moi qui l'ai appelé parce qu'un jour je l'ai vu. Mm-hmm. Moi j'avais écouté un EP, je me suis dit mais c'est quoi ça? On aurait dit qu'on était en 94, 15, 16, tu vois, dans les années de l'essor du premier rap français. Puis on m'a dit que c'était un jeune. Ouais. Et ça va, grâce à un coup de téléphone, il a pu venir et on a fait deux titres. Ok. Un mec extraordinaire, hein. Quand il est sur la scène, il a l'attitude. Moi au début, il avait une attitude un peu arrogante, on aurait dit un peu Biggie. Ouais. Les sons, ouais, c'est ceux que j'écoutais dans les années 90. Et voilà, c'est un mec super. Et là, on a fait un titre différent de ce qu'on fait habituellement. Bah différent pour qui? Parce que moi quand j'écoute la vibe, on est dans une vibe de Larry June. Ouais. Larry June, Justice League, ceux qui produisent Rick Ross. Ouais. Et quand j'ai écouté le projet, je me suis dit waouh, pas mal la vibe. Ah bah c'est cool. Et puis il a mis des paroles africaines, hein, oui. Parlant de bénédiction, donnant comment on appelle ça, une vibe différente. Exactement. Et il y a Joker, je te cache pas, quand j'ai vu Joker, je me suis dit qu'est-ce que MC Solar et Joker ils vont nous faire. J'ai l'impression que c'est le tube du projet. Ah ouais, il est bien, il est très bien parce que. Alors lui il écrit pas, hein. Il va en studio, il fait une partie, il enchaîne, c'est et ça fait quelque chose de bien. Joker, je le vois partout, dans les trucs de mastering, dans un studio, à tel endroit. Je l'ai vu partout pendant des années. Ok. Et puis là, ça a été l'occasion de faire quelque chose ensemble. Ça faisait très très très longtemps qu'on avait envie qu'on se croise. Ok. Quand il était avec Zoxy, quand il était avec MZ, de partout avec MZ. Ouais. Et on savait pas ce qu'on allait faire. Et ça a donné. Ça ressemble un peu à Joker. On est un peu club. Ouais, très club. Une ambiance caliente. Et le troisième featuring, c'est Légende Industrie. Légende Industrie. Donc, est-ce que tu peux nous parler un peu de lui? J'ai l'impression, dans ce texte, j'ai l'impression que c'est un rappeur de Belgique. Ouais. Ah, t'as senti l'accent? Comment ça se fait? Parce qu'il a parlé de Chai et tout ça. Et de son frère. C'est un prof de Chai. Ouais. Donc, je me suis dit, ah, c'est peut-être un gars de Belgique. Comment s'est fait cette collaboration? Alors, lui, il est de Belgique. Mais Légende Industrie, c'est un groupe de gens qui sont autant sur Internet que sur le son. Et qui se réunissent en se disant dans un temps minimum on va essayer de faire quelque chose parce qu'ils ont chacun des choses à faire. Et alors la connexion c'était pour aller écouter quelques prods parce que ce sont des prods qui sont assez comment on appelle ça, un petit peu je vais pas dire consciente, soul, bon, des prods qui durent longtemps, En tout cas dans le temps. Et puis l'un d'entre eux, hein, qui s'appelle Chrono, on s'est mis à écrire chacun de notre côté. Le but était de faire un morceau en duo, hein. D'accord. Et alors tous les éléments qu'on a pu voir dans la semaine, dans le moment du studio, c'est entré dedans. C'est la première fois que je vois un travail qui est fait comme ça. Il y avait le documentaire sur DJ Mehdi, hop, il l'a mis dans une phrase. Il y avait ceci, en fait tout ce qu'on a vécu dans cet après-midi et puis dans la semaine d'avant s'est retrouvé, reconnecté dans ce morceau. Le cœur d'abord. C'est une très très belle découverte. Et le EP, tu l'ouvres avec Maître de Cérémonie. Ouais, MC. Ouais, Maître de Cérémonie, ça raconte un peu les débuts avant qu'il y ait des disques dans le hip-hop, les gens qui étaient là en train de marcher, chercher des soirées. Bah déjà quand tu parles du globo, je me suis dit ah ouais, les Selecta. Ouais, les Selecta, il y avait beaucoup de Rasta là-dedans, il y avait des bons DJ, il y avait des Américains, il y a Public Enemy qui est descendu, il y avait. C'était marrant, c'était une. Bon, en fait, c'est des souvenirs qui peuvent être valables pour tout le monde en réalité, hein, parce que chacun a sa période. C'est clair. Et c'est Maître de cérémonie, une chanson un peu nostalgique, de souvenirs, sans mélancolie. Vous êtes toujours avec MC Solar et moi-même DJ Mist aka la légende. On va se mettre bien avec un classique, bien sûr, de cette légende MC Solar, et on s'écoute Bouge de là, et après on se retrouve avec MC Solar pour parler de son EP Balade Astrale. Allez, let's go sur Ado. Bouge de là. Bouge de là. Bouge de là. Tout a commencé là-bas dans la ville qu'on appelle Maison Alfort. Quand je vois une Fatma chelou qui fait vibrer son corps, elle me dit MC Solar, viens là, tu te donnes du réconfort. J'ai dit non merci, c'est très gentil, mais je ne mange pas de porc. Elle m'a fait bouge de là. Bouge de là. Bouge de là. Bouge de là. Continue mon trajet, j'arrive vers la gare de Lyon. Quand je vois un gars qui se dit vraiment très fort comme un lion, il me dit Claude MC, est-ce que tu veux qu'on se boxe? Ces hématomes étaient plus gros que les seins de sa force. Il m'a fait bouge de là. Bouge de là. Bouge de là. Bouge de là. Ma voisine de palier, elle s'appelle Cassandre. Elle a un petit chien qu'elle appelle Alexandre. Elle me dit Claude MC, est-ce que tu peux descendre? J'ai pris mon magnum, j'ai du mal comprendre. Elle m'a fait bouge de là. Bouge de là. Bouge de là. Bouge de là. Directement je suis allé chez Lucie, qui aime les chiens, les chats et 30 millions d'amis. Elle me dit t'aimes les animaux, toi mon super MC. J'ai dit oui j'adore, avec du sel et bien cuit. Elle m'a fait bouge de là. Bouge de là. Bouge de là. Bouge de là. Plus tard dans le métro y a un char clos qui traîne. Il me raconte toute sa vie, il me dit qu'il vient de Rennes. Ensuite il me dit qu'il pue, qu'il faudrait qu'il se baigne. Je lui dis jette-toi dans les coups, t'arrives direct dans la scène. Il m'a fait bouge de là. Bouge de là. Bouge de là. Bouge de là. Continue mon trajet, j'arrive sur le boulevard Barbès. Quand je vois un de mes amis qui venait de Marrakech, il me dit Arwa, Arwa, je t'achète tes rap en dinars. J'ai dit non, je veux des dollars car on m'appelle Solar. Il m'a fait bouge de là. Bouge de là. Bouge de là. Bouge de là. Alors j'ai bougé, j'ai dû m'en aller, partir bifurquer. J'ai dû m'évader, j'ai dû m'enfuir, j'ai dû partir, j'ai dû m'éclipser, j'ai dû me camoufler, j'ai dû disparaître pour réapparaître. Oh, bouge de là. Tu es toujours dans ta hip-hop R&B radio. Aujourd'hui, mon invité du jour, c'est l'homme qui a le nom MC Solar. Il vient nous parler de son dernier EP Balade Astrale. Et justement, on va s'écouter un morceau ici de ce projet en featuring avec Benjamin Epps et MC Solar. Et c'est Bénédiction sur Allo. Pays où rêvent les fourmis vertes. Sérieux, je dois te dire que tu vas faire des découvertes. Ça n'est pas là-bas que t'auras les tranchées de Verdun. Ça n'est pas là-bas que t'aurais eu le mur de Berlin. Là-bas, il n'y a pas de pic et pas de polémique. Beatles contre les Stones, on a le droit de choisir polémique. Si t'es stigmatisé, on m'a dit s'il te plaît, dealer. Parce que j'ai mes bibis, les mecs ont dit que j'étais drug dealer. Donc j'ai bibi des kills, des piles à lâche, you're the killer. Quand il fait le bilan, il dit qu'on est des killers. Facile, je kill le bill et bilan, ça fait boum au Liban. J'étudie comme un talib et perdu chez les talibans. Normal qu'au Congo, les Congolais n'aiment pas trop Tintin. Mon chien s'appelle RG. Pierre de Coubertin, c'est pas du walk, wake up, j'dansais le rock à Waco. Pas là pour faire du chichi, j'ai quand t'as job au micro. Et depuis Deng Xiaoping, mec c'est le ping. Pong Grand Biden, Xi Jinping, Poutine et Kim Jong. Sur les radios, on joue un bobino rétro. J'entends la voix du comte Arthur de Gobineau. Où sont les cerfs dans la forêt, faut-il les tuer? Oui, on choisit un bouc émissaire, puis on agit ainsi. Quand on fut touché, tout, tout, tout, tout, tout, si j'étais dans du Gucci, j'écoutais du Gucci. Maintenant je suis le troubadour du carrefour Pompadour. Pomme de Discord ou pomme d'amour, souviens-toi d'Ouradour. Le lac artificiel, pour moi c'était les Seychelles. J'ai passé mes vacances sous le soleil de Créteil. Plongé sous marine, on jette des crevettes dans la piscine. On chante dingalingaling sur des stalactes de racamafine. Perquise mentale comme si t'avais pris de la morphine. J'ai dit fuck les bras de Morphée, je suis là pour produire de l'endorphine. L'homme est l'homme que l'on appelle l'homme tout simplement le master. Alflo du Kosovo, je suis classé Céveso. Car j'ai l'addiction, l'addiction, les bombes à sous-munitions. D'où la déflagration, observe il pleut des bénédictions. Bénédictions, bénédictions, bénédictions, bénédictions, bénédictions, bénédictions, bénédictions, bénédictions, bénédictions. Pense que le bon se perd, mauvais pressentiment de ce que les gosses vont se faire. Je suis avisé, y arriver. Je suis avec Claude et j'ai du mal à réaliser. Non. Avant je n'y croyais plus, je me demandais ce que j'allais faire de moi. Et maintenant je suis au top, moi je suis fier de moi. Fier. Je suis conscient que beaucoup se servent de moi. Okay. Donc je suis ma propre. Puis tu observes moi, observe. Prends la profonde, prends la. Difficile quand t'évolues sous couleur ganache. Des bouches à nourrir, donc tant que tu ralasses, on met du panache. Convertis jamais mes efforts en euros. Et je veux ton argent. Moi je veux des dollars car on m'appelle Solar. J'ai rêvé de rapper cette phrase, alors je peux pas douter de Dieu. J'ai à manger, je vis mon rêve. L'air est pur, le ciel est bleu. Mais bénédiction, bénédiction, yeah. Bénédiction, bénédiction, bénédiction, bénédiction, bénédiction, bénédiction. C'est toujours dans ta Hip Hop R&B Radio que tu es branché. Aujourd'hui, mon invité du jour, c'est monsieur MC Solar qui nous parle de son dernier projet en date, Balade Astrale. Et j'ai senti que dans ce dernier projet, il y a pas mal de flow de technicité. J'ai envie de te dire, un ancien qui revient dans l'air du temps aujourd'hui, quand les jeunes ont écouté, ils se sont mangés des claques. Parce qu'il y en a qui ne connaissent pas MC Solar. Ouais, ouais. Et je ne sais pas comment tu as fait aujourd'hui, tu es dans la bouche des plus jeunes. Donc, c'est-à-dire que tu as réussi à t'implanter aujourd'hui dans la jeunesse. Ouais, mais c'est parce que la jeunesse, elle est très forte. Hein. Quand on entend les jeunes d'aujourd'hui, ils font des flows pré-rap. Hein. Ils font des flows à l'ancienne, c'est-à-dire fournis, sans respiration. Bon, j'ai pas voulu faire comme eux. Il y en a pour toutes les couleurs. Mais franchement, hein, les rappeurs d'aujourd'hui sont vraiment très très forts. Quand tu vas comparer au même âge nous à cette époque. Ils sont vraiment très très forts. À chaque fois que j'écoute un album de quelqu'un qui a moins de 25 ans, je me dis mais ça, quand je dis moins de 25, moins de 22, d'où ça sort cette créativité, des punchlines. En plus ils ont des mélodies. Vive le rap. Il y a des très très bons héritiers de nos devanciers. Mais c'est grâce à vous, hein, grâce à toi qui a ouvert la porte, parce qu'il faut pas oublier on entend le dernier MC qui a débuté avec toi, c'est Monsieur Kerry James. On ne veut pas aller au service militaire quand même. Donc toi, t'as vu vraiment plein de choses. On va continuer la suite de l'interview juste après ce classique de Monsieur MC Solar. Et oui, MC Solar est mon invité du jury. On va s'écouter Nouveau Western dans ta Hip Hop R&B Radio. Le vent souffle en Arizona, un état d'Amérique dans lequel Arizona. Cowboy dingue, du bang bang, du flingue, de l'arme, du cheval et de quoi faire la bringue. Poursuivi par Smith et Wesson, Colt, Derringer, Winchester et Remington. Il erre dans les plaines, fier, solitaire, son cheval et son partenaire. Parfois, il rencontre des Indiens, mais la rue est vers l'or et son seul dessin. Sa vie suit un cours que l'on connaît par cœur. La rivière sans retour d'Otto Preminger, tandis que John Wayne est loupé à la Lucky Luke. Propre comme un archiduc, on peut fameux duc. Hollywood nous berne, Hollywood berne, dans la vie de tous les jours comme dans les nouveaux westerns. Mais gare à Gary Cooper, le western moderne est installé dans le secteur. Quand la ville dort, les trains ne sifflent pas, les sept mercenaires n'ont pas l'once d'un combat. Harry, désormais, est proche de Gare de l'Est. Il saute des époques et les lieux pour un nouveau Far West. Les saloons sont des bistrots, on y vend des clopes, pas de la chine, du top. Si vous aimez la qualité, essayez-la à prix discount. Ben oui, chez Aldi, nos mandarines ont tout d'une très bonne mandarine. Dégustées au petit-déj, elles vous permettront d'attaquer la matinée en vous disant « C'est qui va tout déchirer aujourd'hui ? C'est Bibi !» Oui, vraiment, nos mandarines ont tout d'une très bonne mandarine, mais à prix discount. 2,59€ seulement le filet de 1,5 kg. Oui, 2,59€. Aldi, la meilleure qualité, à prix discount. En ce moment chez Aldi, variété Nadorcote au Murcote, 1,73€ le kilo, origine Espagne, offre valable jusqu'au samedi 15 mars, info sur aldi.fr. Pour vos fenêtres, portes, volets et pergolas, faites confiance à Triba, élu meilleure enseigne de menuiserie française pour la 6e année consécutive. Rendez-vous dans l'un des 300 espaces conseils Triba ou sur triba.com. Triba, bienvenue dans l'habitat de demain. Leclerc, bonjour. Oui, bonjour. Je lis la définition de déguster, savourer lentement un aliment. Vous confirmez ? Oui. Ah bah alors là, il y a un problème avec vos oranges à déguster. Elles sont si bonnes que je les ai dévorées en 2 secondes. Reprenez-en vite chez Leclerc. Du 11 au 15 mars, le filet de 2 kg d'oranges à déguster panier du primeur est à 2,19€. Chez Leclerc, le goût du frais, ça se défend tous les jours. Soit 1,10€ le kilo, traitement après récolte, variété lanolate, catégorie 1, calibre 5-6, origine Espagne. Modalité magasin et drive participant sur www.e.leclerc. Découvrez la nouvelle génération Renault. Découvrez Renault Austral Full Hybrid E-Tech, jusqu'à 1100 km d'autonomie sans recharge et jusqu'à 40% d'économie de carburant à partir de 370€ par mois. Pendant les portes ouvertes du 13 au 17 mars, 2 mois de loyer offert. Selon version et conduite, économie versus moteur thermique, Austral Full Hybrid E-Tech 200 euros option, LLD 37 mois, 30 000 km, premier loyer 4 500€, troisième et quatrième loyer offert, si Accordiac, offre à particulier du 1er au 31 mars, conditions Renault.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun. Home Schmidt Home. Ah, le printemps, c'est la saison du grand ménage. Et si c'était aussi la saison du réaménagement, ça tombe bien, jusqu'au 31 mars, Schmidt vous offre jusqu'à 2 000€ pour vous accompagner et créer avec vous, dans toute la maison, plus d'espace dans le même espace, au millimètre près et au centime près. Prenez vite rendez-vous en magasin avec un concepteur expert. Schmitt, premier fabricant français. Voir références concernées et conditions d'application de l'offre en magasin. Claire, ce qu'elle aime dans la vie, c'est le verre et les bonnes affaires. En fait, ce qu'elle aime dans la vie, c'est nous, Engie. Et oui Claire, en ce moment et jusqu'au 31 mars 2025, Engie vous offre 70€ pour la souscription d'un nouveau contrat d'électricité. Et bien sûr, c'est une électricité verte, certifiée à 100% par des garanties d'origine renouvelable. C'est pas super ça Claire? Appelez le 3443, service et appel gratuit. Voir les offres électricité éligibles et conditions de l'offre sur particulier.engie.fr. J'agis avec Engie. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Les chasseurs ! Présent ! Et les randonneurs ? Oui ! Les vététistes ? Là ! Les pêcheurs ? Prêt ! Et les cavaliers ? On est là ! Du 14 au 16 mars, participez à J'aime la nature propre, une action de collecte de déchets à l'initiative de la Fédération nationale des chasseurs. Retrouvez toutes les informations sur j'aime-la-nature-propre.fr. C'est quelqu'un qui vit dans la région, votre région, peut-être même près de chez vous, et que vous avez sans doute déjà croisé dans le quartier. Quelqu'un qui peut aussi bien vous parler travaux que prévention ou climat local et qui sait comment protéger au mieux votre logement. Ce quelqu'un, c'est votre assureur Gan Assurance. Et lorsqu'il vous parle d'assurance habitation, il sait exactement de quoi il vous parle. Gan Assurance, votre assureur, c'est quelqu'un. Et en ce moment, profitez de 2 mois offerts sur votre assurance habitation GAN. Offre valable jusqu'au 17 mai 2025. Voir conditions en agence et sur GAN.fr. Oh, il est trop bon ton mafé tata, mais c'est quoi ton secret? Tout est dans la pâte d'arachide. Moi, je prends toujours la Dakatine. Ah, mais la Dakatine, c'est la meilleure. Ta mère en met aussi dans tes cookies préférés. Mais oui, mais j'ai entendu ce nom à la radio dans un rap. Hein? Et dans une recette de rougail sur les réseaux, ça commence à donner envie. Eh oui, Dakatine, c'est aussi bon sur les tartines qu'en cuisine. Et dans les punchlines apparemment, sinon. Dakatine, mille merci pour ce nouveau ramadan passé ensemble. Pensez à recycler vos emballages. Pour votre santé, évitez de grignoter. Optical Center. Une paire pour le sport? Non, plutôt une solaire à ma vue. Oh, mais celle-là aussi, elle irait tellement bien avec ma nouvelle robe. Oh. Pas toujours simple de choisir ses lunettes. Chez Optical Center, vous avez aussi le choix de ne pas choisir. Grâce à l'offre unique, bénéficiez de moins 40% sur votre première paire, plus une paire offerte à votre vue, même de grande marque. Retrouvez nos magasins sur opticalcenter.com. Offre valable du 1er septembre 2024 au 31 juillet 2025. Dispositifs médicaux, conditions en magasin. On peut penser que le plus important pour une voiture électrique, c'est d'avoir la plus grande autonomie possible. Ou on réalise qu'on ne fait en moyenne que 37 km par jour. Et ça, c'est la réalité. Dacia Spring 100% électrique est à partir de 16 900 € pour tous et sans condition. À découvrir et essayer pendant les jours essentiels du 13 au 17 mars. Étude interne Dacia, Spring 45 hors option. Offre à particulier du 1er au 31 mars. Conditions sur dacia.fr. Pensez à covoiturer. Dans moins d'une minute, retour du son hip-hop R&B. Hey, en ce moment, chez La Paire, il y a 20% de remise sur les portes de placard coulissantes sur mesure Union. Attends, quoi? Tu peux répéter? Hein? Oui. Hey, en ce moment, chez La Paire, il y a 20% de remise sur les portes de placard coulissantes sur mesure Union. Ah bah ça, faut pas me le dire deux fois. Allez, on y va. Jusqu'au 31 mars, profitez de 20% de remise sur nos portes de placard Union qui glissent en douceur et en silence. De quoi enfin concrétiser vos projets d'aménagement et avec style. La Paire, il n'y en a pas deux. Conditions sur lapaire.fr. Auchan. Et aujourd'hui alors, c'est quoi le bon choix moins cher? Pendant les 25 jours Waouh, Auchan fait le choix de se plier en 4 pour varier vos 4 heures. Jusqu'au 23 mars, grâce à votre carte Waouh, cagnottez 50% sur toute la gamme de biscuits Prince. 50%? Oh, effet Waouh garanti sur mes économies. Auchan, le choix, le bon. Des 10 euros d'achat et dans la limite de 20 euros d'achat, valable dans vos magasins et drive Auchan participants. Conditions détaillées sur Auchan.fr. Pour votre santé, évitez de grignoter. And we ride on them things like every day. Big beats hit streets, see gangsters roaming. And parties don't stop till 8 in the morning. Welcome to Atlanta where the players play. And we ride on them things like every day. Big beats hit streets, see gangsters roaming. Uh-huh. And parties don't stop till 8 in the morning. Now the party don't start till I walk in. And I usually don't leave until the thing ends. But in the meantime, in between time, you work your thing, I work mine. I've been putting it down here since 83. Since the Lake Show MD rivalry, when frozen paradise was the place to be. If you was riding, you was bumping the homie shot D. It's a Queens thing, baby. I'm gonna dance with you. Rock on. Maybe it's a neighborhood. Rock on. How you doing, miss? My name is L, I'm from Queens. I heard about your man, he like the lace shirt with green. Don't shake him out of mosquito with Donna jeans. But he slipped up and threw his rock to a bean. He be playing like a willy cause he dressed shit up. Never knowing that his woman is in need of love. He got Versace, gold link, stomach chains with rock. Official hairstyle, but you stuck up in the spot. Making love, Duke is weak, then he falling asleep. You on the phone with your old peeps, dying to creep between my sheets. So what, you got Chanel on your feet? Hot sex on a platter makes the mission complete. I wanna laugh with you. I do what I got to do. I wanna laugh with you. I do what I got to do. I wanna laugh with you. I do what I got to do. I wanna laugh with you. I do what I got. Tell me what you want. Tell me what you want. Tell me what you want. I'm there for you anytime you need me. For real, girl, it's me in your world. Believe me, nothing make a man feel better than a woman. Queen with a crown, that be down for whatever. There are few things that's forever. My lady, we can make more or make babies. Back when I was nothing, you made a brother feel like he was something. That's why I'm with you to this day, boy. It was all a dream. I used to read Word Up magazine. Salt and pepper and Heavy D up in the limousine. Hanging pictures on my wall. Every Saturday, Rap Attack, Mr. Magic, Molly Mall. I let my tape rock till my tape pop. Smoking weed and bamboo, sipping on private stock. Way back when I had the red and black lumberjack with the hat to match. Remember rapping Duke? Da-ha, you never thought that hip-hop would take it this far. Now I'm in the limelight cause I run tight. Time to get paid, blow up like the world's trade. Born sinner, the opposite of a winner. Remember when I used to eat sardines for dinner? Piece of Raw D, Brucey B, Kid Capri. Funk, Master Flex, Love Bug, Star Schemes. I'm blowing up. Pop R&B Radio. À guerre, les concerts, j'étais en vogue. Désormais, on les a remplacés par des digicodes. Dans ma ville, il n'y avait pas de paramètre. Je voyais des ouvriers manger des sandwichs à l'omelette. Le passé me revient comme un bill. Ok, la présence d'un passé omniprésent n'est pas passé. Les halles supplantées par le coste. L'allégorie des Madeleines file à la vitesse de Proust. L'air y était pur, Paris plus beau. Désormais le ticket de métro augmente comme le nombre d'auto. Oh shit, à la télé y a plus de speaking. Y a des films de série B que j'estime à 15 centimes. Les têtes nous plaquent ces films de 3 pieds 7. Que je mate, mais mon intellect constate qu'ils sont obsolètes. Obsolète, mais stylé, la phrase qui suivra. L'homme qui capte le mic et dont le nom possède double à la variété statique, solar, l'arbalète. Qui pique cette digue solide à little elite. Qui élabore depuis des décennies. Une main basse sur mon art pour qu'il avance au ralenti. Mais le grand Manitou, Manitou, t'inquiète, il démasque la musique à masquer la place en hypothèque. Puis inscrit en italique sur son agenda le top des trucs qu'il n'aime pas. Bref, pour être clair et net, le ventre et que s'accompagne de l'oreillette. Comme à mes oreilles, la variette, sa coquine et rime avec top soleil. Obsolète est aussi l'allumeuse qui portait des barésies et empestait le patchouli. Pour des services rendus, elle me dit je te paye en nature et je reste stoïque quand elle me tend des confitures. Ceci est oublié quand au mois de décembre, elle me téléphone et me dit passe me prendre. Bref, j'en abuse avec des lexations. Douce comme de l'hydromel, je suis en affection. Puis me glisse, m'immisce entre les cuisses. Lisse de la mise, ses yeux se plissent et elle dit stop ton vice. Je suis comme une balle, elle joue le rôle d'une raquette. L'endormeuse allumeuse se prend pour une starlette. Message que dans les cinémathèques, t'es presque calipette. Des huettes sont classées dans les séries B au rayon obsolète. Vous êtes bien dans votre hip-hop R&B radio. Aujourd'hui, mon invité du jour, c'est l'homme qu'elle nomme MC Cela, qui nous parle de son dernier projet en date, Balade Astrale. Pourquoi t'as sorti des EP, une trilogie en fait? Parce que moi, quand j'ai vu MC Cela, je me suis dit, ah, il va nous sortir un album. Non, je vois trois EP. J'avais deux objectifs cette année. J'avais une grande tournée à faire et matériellement, pas le temps d'aller en studio pour rester sur un cycle de 5 semaines et faire, et faire le truc. Et heureusement qu'on a fait le pari, hein, sur le temps libre, aller au studio, s'organiser, Google Agenda, aller au rendez-vous. Okay. Alors on a réussi à faire le premier, on a réussi à faire le deuxième dans le temps libre. Et on a réussi à faire le troisième. Et puis on se rend compte que même on a quelques petits morceaux supplémentaires. Mais donc ça y est. En tout cas, j'ai appris une méthode de travail, ce qui s'appelle la volonté. Parce que normalement, Claude, MC Solarium, il est plus tranquille. Ok. Et maintenant, je sais que j'ai deux faces possibles. Ok, je vois tout à fait. Et en plus, en écoutant les trois EP, j'ai l'impression que c'était trois vibes différentes. Est-ce que, vu que, comme tu viens de le dire, les trois EP, tu les as construits quand tu avais du temps libre pendant tes concerts, est-ce qu'à un moment donné, tu as senti qu'il fallait que tu aiguilles tes EP pour faire sur scène? Ouais, il y a de ça. Il y a eu certains morceaux qu'on a vu qui fonctionnaient sur scène, d'autres qui fonctionnaient un peu moins, c'est-à-dire les morceaux plus cérébraux. Et alors, pour ceux que je voulais jouer sur scène, ben on a fait... En un mot, la vie quotidienne, l'entourage, l'environnement, ça permet d'influencer le studio quand on est dans la même vibration. Hein. Exactement. Non, ça a été... il y a des morceaux qui ont été faits spécifiquement pour la scène. Bon, moi, sur ton dernier EP, j'ai l'impression que c'est... Bon, moi, comme je le disais à ton équipe, quand j'écoute ce projet-là, même s'il ne faut pas revenir en arrière, j'étais dans l'époque qui sème le vol, récolte le tempo, prose combat, des bons morceaux, de la punchline. Sur les trois, c'est le projet le plus rap pour moi. Alors celui-là, c'est le projet le plus rap. C'est-à-dire que j'ai fait... Non, pas du tout. Okay. Non, c'est le projet le plus rap. Il y a tous les gens que j'ai croisés, j'ai dit venez. Et on fait de... Sur celui-là, c'est le plus rap. Même si c'est trois triptyques, ouais. En réalité, si on arrive à les réunir, on voit qu'il y a plein de sauces différentes. Ok, il y a une cohérence quand on écoute les trois d'affilée. Ouais, certaines pour l'activité, d'autres pour la réflexion, d'autres pour le flow, d'autres pour sauter. Ok. J'aime bien l'idée. Ouais. J'aime bien l'idée. Vous êtes toujours dans votre Hip Hop R&B Ready. Aujourd'hui, mon invité du jour, c'est monsieur MC Solar. Et là, on va se faire plaisir avec ce classique issu de son premier album, Qui sème le vent, récolte le tempo. Et on va s'écouter ce morceau, Caroline, l'as de trèfle qui pique ton cœur. Allez, let's go sur Ado. J'étais cool, assis sur un banc. C'était au printemps, il cueille une marguerite. Ce sont deux amants, overdose de douceur. Ils jouent comme des enfants. Je t'aime un peu beaucoup, à la folie passionnément. Mais à la suite d'une douloureuse déception sentimentale, d'humeur chaleureuse, je devenais brutal. La haine d'un être n'est pas dans nos prérogatives. Tchernobyl, tchernodébile, jalousie radioactive. Caroline était une amie, une superbe fille. Je repense à elle, à nous, à nos cornets bannis. À sa boulimie de fraises, de framboises, de myrtilles. À ses délires futiles, à son style pacotille. Je suis las de trèfle qui pique ton cœur. Las de trèfle qui pique ton cœur. Las de trèfle qui pique ton cœur. Caroline. Comme le trèfle à quatre feuilles, je cherche votre bonheur. Je suis l'homme qui tombe à pique pour prendre ton cœur. Il faut se tenir à carreau. Carreau, ce message vient du cœur. Une pyramide de baisers, une tempête d'amitié, une vague de caresses, un cyclone de douceur, un océan de pensées. Caroline, je t'ai offert un building de tendresse. J'ai une peur bleue, je suis poursuivi par l'armée rouge. Pour toi j'ai pris des billets verts, il a fallu que je bouge. Pyromane de ton cœur, canadaire de tes frayeurs. Je t'ai offert une symphonie de couleurs. Elle est partie, mazo, avec un vieux macho qu'elle avait rencontré dans une station de métro. Quand je les vois main dans la main, fumant le même ego, je sens un pincement dans son cœur, mais elle n'ose dire un mot. C'est que je suis las de trèfle qui pique ton cœur. Las de trèfle qui pique ton cœur. L'as de trèfle qui pique ton cœur, Caroline. Claude MC prend le microphone, j'enlève de rire à Gamofine. Pour te parler d'une amie qu'on appelle Caroline. Elle était ma dame, elle était ma cam, elle était ma vitamine. Elle était ma drogue, ma doute, ma coupe, mon crack, mon amphétamine, Caroline. Actuelle, 20 ans, jeune et jolie. Remets donc le film à l'envers, magnéto de la vie pour elle. Faut-il l'admettre, les larmes ont coulé, hémorragie oculaire. Vive notre amitié, du passé, du présent, je l'espère, du futur. Je suis passé pour être présent dans ton futur. La vie est un jeu de cartes, Paris un casino. Je joue les rouges, cœur, carreau. Je suis l'as de trèfle qui pique ton cœur. L'as de trèfle qui pique ton cœur. L'as de trèfle qui pique ton cœur. Caroline. Mmh. Et toi, MC Solar, quand la jeunesse t'appelle pour faire des featuring, parce que tu as fait très très peu de featuring, t'as fait Soprano, t'as fait, t'es sur l'album de Big Flo Oli, Benjamin Epps, déjà t'as fait To The Kid. Ouais. Moi quand je t'ai vu là-dessus, je dis ah. Et t'as même un featuring qui ne sortira jamais avec Philemon. Ah ouais. Allez, bah oh là là, mais il est. Ah il est pas sorti. Il est jamais sorti. Ah il l'a pressé et il nous les a donnés. Oui, et bon, ça sortira jamais. Mais je comprends pas, cet album de Philemon était exceptionnel. Oui, c'était un double album, il y avait énormément d'artistes. Bon, j'ai la chance d'avoir cet album quand même, parce que je suis proche de Philemon. Et quand la jeunesse t'appelle, qu'est-ce que ça te fait toi? Ah ben moi ça me fait extrêmement plaisir, parce qu'à partir de la fin du Covid, du confinement, je me suis dit tiens. Allez, je vais faire des collaborations. Alors Soprano m'a appelé, bim, bim, bim, bim. Et puis je dis, bon, ça va, c'est facile. Et puis j'étais libéré de plein de contraintes potentielles que j'aurais pu avoir. Et ben c'est super enrichissant. Clairement. C'est super enrichissant. Souvent, je connais le travail des gens. Non, je suis pour, vraiment pour les collaborations, parce que je me suis rendu compte qu'à chaque fois que des gens ont eu de la grande maîtrise puissante, et c'est parce qu'ils étaient souvent dans des collectifs, des possies, qu'ils ont découvert des gens, qu'ils ont. Et puis il y a des échanges, des vibrations qui existent, et ben retrouver ça, ça me plaît énormément. Bon, franchement j'avoue, moi je te dis vraiment, il y a une collaboration que pas mal de gens attendent, c'est toi et Youssoupha. Youssoupha t'a énormément cité. Ouais. Il connaît tes textes. On dirait que c'est lui qui rappe. Ouais, mais attends, une fois j'ai eu peur. Hein. On était sur la scène ensemble. J'ai dit mais punaise. On aurait. Oh. Bon bref, ça fait très très longtemps que je veux faire une collaboration avec lui. Ouais. Il m'a donné beaucoup de coups de main d'ailleurs pendant le triptyque. Hein. Mm-hmm. J'ai dit oh là là, qu'est-ce que je peux faire? Alors on va aller chercher quelqu'un qui a une sorte de cerveau derrière. Youssoupha est arrivé. Il est arrivé d'Afrique. Il est venu, il m'a mis, comment on appelle ça, une disquette musicale. Okay. Il m'a donné des bonnes vibrations. Et on va en faire certainement prochainement. Je sais que lui, il m'a dit que, bon, de toute façon, lui, il veut, mais tant qu'il y a le karma, c'est les ondes. Ouais. Si ça s'est pas fait là, c'est que ça doit se faire plus tard. On va se trouver. Je l'ai vu il n'y a pas très longtemps en concert, mais c'est pas possible, le bonheur et l'énergie qu'il a donné à tous ces gens. Il a une énergie et du soleil. Extraordinaire. Franchement, ouais, non, ça fait ultra ultra plaisir. Vu qu'on vient de parler de Youssoupha, bon, on va s'écouter un morceau issu de son album Amour Suprême tout de suite. C'est le Prince Parolier et on s'écoute Dieu est grande sur Ado. Un peu à l'ancienne, j'ai connu ta mère avant d'avoir une vie. J'ai eu un garçon, mais dans ma tradition, la vraie bénédiction, c'est d'avoir une fille. Alors ma princesse, suffit que t'apparaisse pour que le temps s'arrête, 1000 mètres à la ronde. Dieu est infini et je le remercie de m'avoir choisi pour être ton daron. Les peurs et les beaux parleurs, moralisateurs, leur cœur est minime. Ils ont cette façon de demander pardon. Pardon à Dieu et jamais aux victimes. On peut s'aimer sans toujours être d'accord. On peut s'aider même si on se connaît à peine. Si t'as des enfants, apprends-leur d'abord ce que t'aurais aimé, qu'à toi on t'enseigne. Parfois le temps de la justice est trop long. Fais le bien sur terre avant de parler des cieux. Certaines croyances viennent tout droit des colons. Tu peux faire le tri pour te rapprocher de Dieu. C'est pas si grave de faire des erreurs. Ce qui est grave, c'est de vouloir les ignorer. Le but, c'est pas d'être la meilleure, le but c'est de chaque jour s'améliorer. Imani. T'es pas obligé d'être une fille banale, t'es pas obligé d'être Michelle Obama, t'es pas obligé de vouloir être mère, t'es pas obligé de vouloir être reine. N'écoute pas les hommes, n'écoute pas les ordres, n'écoute pas les codes qui disent de la merde. Apprends encore à aimer ton corps, à aimer tes formes, à t'aimer toi-même. On a nos valeurs et nos traditions. Si ton amoureux t'emmène en balade, dis-lui bien que c'est lui qui paiera l'addition. Dis-lui que c'est l'impôt sur le patriarcat. Tu m'idéalises, mais même ton daddy est paternaliste. Faut que tu me pardonnes, dites à ces messieurs. C'est bien prétentieux d'apprendre la vie à celle qui la donne. Imani. Le bonheur a un goût amer. Parfois t'es toute seule, surtout quand tu montes. Parfois pour être en paix avec toi-même, tu seras en guerre contre le reste du monde. Mais quoi que tu fasses, je serai toujours là. Même dans l'au-delà, l'amour gagne à la fin. Que tu sois patronne, que tu sois daronne, que tu sois baronne ou les trois à la fois. Tu sais comment tes grand-mères étaient grandes. Tu sais qu'elles nous mentent, mais qu'elles nous répondent. Elles étaient braves, belles, élégantes. C'est pour ça que tu portes fier leur prénom. Tant que tu peux, il faut défier les lois. Tant que tu peux, il faut défier les rois. Et si te demandent que ta foi représente, réponds simplement. que Dieu est grande, Imam. Manger à la cantine, y avait pas de vache folle à la télé. J'étais fan à Dayato dans la